Enseignement par le vénérable Sayadaw Unanujota, retraite de méditation Vipassana 2018, centre d'Amarantsi. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement à propos des cinq empêchements, des cinq obstacles qui vont freiner votre progression dans la pratique de Vipassana. Hier, il a été question du premier de ces empêchements, le désir sensuel. Dès que le désir sensuel se manifeste dans votre esprit, vous êtes arrêté dans votre progression. C'est un obstacle qui va vous empêcher d'atteindre votre but. Aujourd'hui, nous allons parler de Vyapada, la malveillance, la colère. C'est le second empêchement. Vyapada, la colère ou l'aversion, va se manifester dans votre esprit dès que vous entrez en contact par l'un ou l'autre de vos six sens avec un objet désagréable, un objet qui n'est pas désirable. La colère ou l'aversion se manifeste automatiquement dès qu'il y a contact avec un objet désagréable, quelle que soit la porte par laquelle il pénètre dans votre esprit. Vyapada, la colère ou l'aversion, est comparée à une maladie. Imaginons par exemple que vous ayez des maux de tête. Vous allez prendre un médicament pour essayer de vous en débarrasser. C'est la même chose avec Vyapada, la colère. La maladie de Vyapada, de la colère ou de l'aversion, est également quelque chose dont il faudra essayer de se débarrasser au plus vite. Et vous allez y arriver en la notant. Lorsqu'on est pris par une maladie grave, comme par exemple la malaria, on va perdre son appétit. On ne mange plus avec plaisir, on ne goûte plus les aliments, on les trouve tous plutôt amers. Mais dès qu'on se sera débarrassé de cette maladie, on va retrouver son appétit, on reprendra goût aux aliments. C'est la même chose avec les empêchements. Imaginons que vous rencontriez un ami qui va vous donner certains conseils de vie. Si vous n'avez pas de colère dans l'esprit à ce moment-là, vous pourrez accepter facilement ses remontrances. Vous allez même peut-être appliquer ses conseils. Par contre, si vous êtes pris par la maladie de la colère ou de l'aversion, vous allez rejeter ses conseils. Vous les interpréterez probablement comme agressifs. Vous ne les suivrez pas. Lorsqu'on a de la colère dans l'esprit, il est très difficile d'accepter les conseils venant d'amis. On les rejette. Lorsque donc vous constatez que vous avez de la colère dans l'esprit, vous devez essayer de la noter au plus vite de façon à vous en débarrasser. Si vous omettez de le faire, il est possible que cette colère présente dans l'esprit se manifeste extérieurement par un acte ou par une parole négative. En général, lorsqu'on a de la colère dans l'esprit, elle s'adresse surtout aux personnes qui nous sont proches. Des personnes qui, en général, vous aident dans la vie, sont très proches de vous, sont toujours là pour vous soutenir en cas de besoin. Et lorsqu'on a de la colère dans l'esprit, c'est à ces personnes-là qu'elles s'adressent, plutôt qu'à ceux qui sont éloignés de nous, qui ne sont pas proches de nous. Cette colère ne s'adressera probablement pas aux personnes que vous ne connaissez pas bien, que vous ne voyez que de temps à autre, ou même à des membres de votre famille qui sont très éloignés de vous. Elle s'adresse en général aux gens qui sont autour de vous, proches de vous. Donc, dès que vous constatez que vous avez de la colère dans l'esprit, vous devez la noter immédiatement de façon à la faire disparaître. Si vous ne le faites pas, cette colère va s'amplifier, elle va devenir plus active sous forme d'une parole négative. Il est même possible que vous passiez aux actes et que vous frappiez cette personne. C'est pour toutes ces raisons qu'il est très important d'apprendre à noter la colère dès qu'elle se manifeste dans l'esprit. Essayez donc de noter la colère dès son point de départ lorsqu'elle se manifeste dans votre esprit. Notez-la immédiatement, le plus vite possible, de façon à ce qu'elle ne se prolonge pas par le changement d'expression sur votre visage, et puis une parole négative, et enfin un acte négatif. Lorsque vous êtes assis en méditation, il est possible que par moments vous ayez des pensées, vous vous souvenez de choses qui se sont passées la veille et vous commencez à réagir par rapport à ces pensées. Il est possible que vous vous souveniez par exemple d'une dispute que vous avez eue. La colère va commencer à se manifester dans votre esprit. Essayez de noter cet état d'esprit le plus vite possible. Et si vous êtes capable de noter pensée, pensée avant que cette colère ne se soit manifestée, c'est encore mieux. Les grands sayados ont l'habitude de recommander à leurs élèves de ne pas se montrer agressifs par rapport à eux-mêmes pendant la méditation. Ils doivent essayer de se montrer au contraire très tolérants et doux. Évitez donc de laisser cette colère se développer en vous lorsqu'elle se manifeste. Notez-la immédiatement. Ne lui permettez pas de se transformer en une parole négative et ensuite en un acte négatif. Cela va vous faire souffrir. Et de plus, cette colère va bloquer votre pratique. Vous ne pourrez plus progresser. Essayez donc de la noter le plus vite possible de façon à vous guérir de cette maladie. Nous en arrivons ainsi au troisième empêchement, appelé Tinamida en pali, la paresse et la torpeur. Votre esprit va commencer à se sentir lourd, et petit à petit, la paresse va apparaître. Votre esprit est lourd et vous ne faites plus d'efforts. Dans ce contexte, la paresse dont il est question n'est pas la paresse que vous pourriez expérimenter dans la vie de tous les jours. C'est une paresse bien spécifique qui concerne uniquement la pratique de la méditation. Vous n'avez pas envie de fournir l'effort pour pratiquer, pour noter, pour être vigilant. Vous n'avez pas non plus envie de pratiquer dana, la générosité, ou s'il a la moralité. C'est de cette paresse-là dont il s'agit ici. Dans une retraite comme celle-ci, il y a donc la pratique qui est demandée aux méditants. Ils doivent écouter les enseignements, ils doivent écouter les instructions et s'efforcer de les mettre en application. Un paresseux, dans le contexte de la méditation, c'est quelqu'un qui n'aura pas envie d'appliquer les instructions, ni même de les écouter. Il n'aura pas envie de pratiquer. Il est paresseux. C'est de cette façon que l'empêchement de la paresse et de la torpeur bloque la pratique. Le méditant ne progresse plus. On compare la paresse au fait d'être emprisonné. Quelqu'un qui se retrouve en prison, c'est quelqu'un qui a fait un méfait, qui s'est mal conduit et qui donc se retrouve en prison. Il n'est plus libre. Ce prisonnier va alors recevoir la visite d'amis ou de membres de sa famille qui vont lui parler de toutes sortes de choses qui se sont passées à l'extérieur. Ils vont peut-être lui parler de festivités, de spectacles, de toutes sortes de choses qui se sont passées avec des amis ou avec des membres de la famille. Ce prisonnier ne pourra pas apprécier à fond et surtout, il lui est absolument impossible de participer à ces événements puisqu'il est en prison. Dans le contexte de la méditation, la personne qui est paresseuse ne sera pas en mesure d'écouter l'enseignement de façon attentive et elle ne le comprendra pas vraiment. Elle ne pourra pas non plus pratiquer correctement puisqu'elle refuse d'écouter les instructions et de les mettre en application. Et si elle pratique, elle ne le fera pas de façon diligente, attentive et continue. Et en conséquence, elle n'obtiendra pas les bénéfices de la pratique. Elle ne pourra pas expérimenter la saveur du Dhamma. C'est pour toutes ces raisons qu'on compare le paresseux à un prisonnier. Il est dit dans la tradition que la saveur du Dhamma est la meilleure de toutes les saveurs. On ne s'en lasse jamais, alors que les saveurs ordinaires, celles qui s'enracinent dans les plaisirs sensuels, il est fort possible qu'on s'en lasse et il n'est pas possible de s'en délecter de façon répétée pendant longtemps. Si on va au restaurant et qu'on goûte à des mets délicieux, on le fait une fois, peut-être deux fois, ensuite il faut changer de restaurant. Par contre, la saveur du Dhamma ne lasse jamais. On peut y retourner encore et encore, elle ne lasse jamais. Dès que vous constatez donc que la paresse commence à s'infiltrer dans votre esprit, essayez de réagir au plus vite en la notant et en la faisant disparaître. Cet état d'esprit est un obstacle, il vous empêche de progresser. Vous devez donc essayer de vous en débarrasser au plus vite, de façon à pouvoir reprendre votre effort et réaliser, expérimenter la saveur du Dhamma. Pour vous débarrasser de cet empêchement, vous devrez fournir un gros effort. Le Bouddha a donné des méthodes pour se débarrasser de la paresse et de la torpeur. Elles sont très intéressantes pour les méditants. Il y en a donc 7 au total. Lorsque vous sentez que la paresse commence à s'infiltrer dans votre esprit alors que vous êtes occupé à observer les mouvements de l'abdomen, réagissez immédiatement. La première méthode consiste à changer d'objet. Au lieu de continuer à observer les mouvements de l'abdomen, vous commencez à pratiquer Metta Bhavana, le rayonnement de l'amour bienveillant. Vous commencez à réciter les paroles du Metta Bhavana comme elles vous ont été expliquées précédemment. Vous le faites silencieusement, vous ne le faites pas oralement. Cela pourrait déranger les autres méditants. Et vous le faites pendant 1 ou 2 minutes, pas plus. Vous pouvez également contempler les vertus du Bouddha qui vous ont également été expliquées précédemment. Vous les récitez par cœur. Vous pouvez choisir des paroles comme celles que nous venons de réciter tous ensemble et vous les réciter par cœur silencieusement. C'est une façon de vous débarrasser de la somnolence et de la torpeur. Une troisième méthode consiste à vous remettre en mémoire vos expériences du Dhamma. Vous réfléchissez à propos de ces expériences. Une autre méthode consiste à se tirer ou à se tordre les oreilles. Faites-le de façon très énergique. Si vous le faites doucement, cela n'aura probablement pas beaucoup d'effet. N'hésitez pas à le faire de façon très énergique, vous vous tordez les oreilles. Vous pouvez aussi vous frotter le visage, vous frottez les yeux, vous vous frottez d'autres parties du corps. Tout ceci peut s'avérer efficace. Vous pouvez aussi ouvrir les yeux et diriger votre regard vers la lumière. Vous observez ainsi la lumière, vous regardez vers cette lumière jusqu'à ce que la somnolence ait disparu de votre esprit. Si ces méthodes ne portent pas de fruits, vous pouvez vous lever, quitter la salle et pratiquer la marche. Vous allez donc pratiquer la marche et lorsque la somnolence aura disparu de votre esprit, vous revenez dans la salle et vous recommencez à pratiquer en posture assise. Et si aucune de ces méthodes n'amène de résultat, la seule chose que Sayadaw puisse vous conseiller, c'est d'aller au lit. Il faut savoir également que la somnolence et la torpeur vont attaquer le méditant, surtout après le repas. Donc la première heure d'assise après le repas de 11 heures sera probablement plus difficile par rapport à cet empêchement. Essayez donc de manger avec modération, ne mangez pas trop et évitez les aliments qui induisent la somnolence ou qui ne sont pas bons pour vous. Puissiez-vous tous réussir à éradiquer de votre esprit la colère lorsqu'elle se manifestera au cours de votre méditation. Puissiez-vous tous être capables d'évacuer la paresse et la somnolence qui vont également de temps à autre faire irruption dans votre esprit. Puissiez-vous tous réussir à développer un bon samadhi. Puissiez-vous tous progresser très sensiblement au cours de ces derniers jours qui vous restent.